Selon la firme d'analyse JP Morgan, Apple serait déjà en train de préparer une autre version de son téléphone cellulaire multifonction, le iPhone, qui ressemblerait davantage au très compact iPod Nano. Dans un rapport publié cette semaine, les analystes de JP Morgan soutiennent qu'ils ont rencontré dans les dernières semaines des fabricants de pièces électroniques qui auraient conclu des ententes commerciales avec Apple. Selon JP Morgan, la compagnie californienne aurait également demandé au gouvernement américain d'obtenir un brevet d'invention au début du mois de juillet pour une molette de défilement, un scroll wheel similaire à celle du iPod Nano, mais destinée à être utilisée dans un téléphone cellulaire. Kevin Chang, l'un des analystes de JP Morgan, soutient dans le rapport qu'il serait logique pour Apple de produire un téléphone cellulaire d'entrée de gamme qui coûterait moins de 300$ US, mais qui serait plus limité que l'iPhone qui est présentement vendu à 500 ou 600$ dépendant de la grosseur, déjà qui est barré de tous les côtés. Je vais en parler dans quelques minutes dans un autre article. Toujours au sujet du iPhone, après l'apparition d'un article du National Post sur le prix élevé des téléphones des services cellulaires au Canada, Michael Geist a établi le prix d'un forfait iPhone au Canada comparable au forfait offert aux États-Unis au lancement du téléphone de Apple. Étant donné que Rogers, qui devrait offrir l'iPhone à son lancement au Canada, n'offre pas de forfait de données illimitées, eh bien, le total n'est pas tout à fait exact, mais le total obtenu est tout de même effarant, 295$ par mois pour avoir le même service qu'aux États-Unis. Voici comment il est arrivé à son calcul. 500 minutes de conversation pan-canadien, ça donne 60$, plus 500 minutes supplémentaires soir et week-end, 25$, plus 500 mégs de données, 210$. Là où le bas blesse, comme on dit, c'est sur le plan de transmission de données. Beaucoup d'analystes canadiens réclament une baisse importante du prix de la transmission de données, pas seulement chez Rogers, mais également chez les autres fournisseurs de services. Le président de Research in Motion, le fabricant du très populaire BlackBerry, réclame d'ailleurs des baisses importantes des forfaits de transmission de données, expliquant que ces tarifs élevés demandés par les fournisseurs canadiens nuisent énormément aux ventes de ces appareils. Comparant le Canada à l'Allemagne, il explique par exemple que Rogers au Canada offre un forfait de 200 MB pour 100$, alors que T-Mobile en Allemagne offre un forfait de 400 MB pour 50$, le double des MB pour la moitié du prix. Une baisse des tarifs encouragerait la vente des téléphones cellulaires qui sont de plus en plus intelligents et polyvalents. Les fournisseurs pourraient ainsi bénéficier de la baisse de tarifs par une augmentation des abonnements. Toujours au sujet d'Apple, aux États-Unis, une poursuite judiciaire vient d'être entamée contre Apple par un photographe français qui trouve que l'une des publicités de la compagnie ressemble trop à une de ses œuvres. Louis Sioyos a remarqué récemment d'importantes similitudes entre l'un de ses montages photographiques et la publicité de l'Apple TV, où l'appareil se trouve devant une murale d'extraits vidéo. Dans sa plainte déposée à la cour de Boulder au Colorado, le photographe soulève que la publicité d'Apple ressemble beaucoup trop à son œuvre pour n'être qu'une pure coïncidence. Il estime que la compagnie californienne doit le dédommager en lui payant des droits d'auteur sur son œuvre. Par ailleurs, une autre plainte de plagiat, cette fois-ci contre la chanteuse canadienne Avril Lavigne, pourrait aussi avoir des conséquences sur Apple. Vous avez sûrement entendu parler de ça. La plainte a été déposée la semaine dernière par les musiciens James Gangwer et Tommy Dunbar et soulève qu'une chanson qui se trouve sur le dernier album de Lavigne est une copie de leur chanson « I Wanna Be Your Boyfriend » de 1979. Cette plainte, bien qu'elle soit adressée en premier lieu à la chanteuse, s'étend aussi à toutes les compagnies qui ont distribué la chanson, dont Apple, sur sa boutique en ligne iTunes. Donc Apple pourrait avoir à payer pour Avril. Toujours parlant de téléphone cellulaire, tiens, pourquoi pas côté Apple, l'agence de presse chinoise Xinhua relate l'histoire d'un jeune homme qui est décédé à la suite d'une explosion de son téléphone cellulaire. Selon le rapport préliminaire de la police, le jeune Xiao Jinpeng serait mort suite à l'explosion des piles de son téléphone cellulaire. L'appareil de marque Motorola aurait été exposé trop longtemps à une grande source de chaleur. L'explosion a brisé des côtes du jeune homme de 22 ans et a atteint son cœur. Pour le moment, la police est incapable de certifier le modèle qui visait la victime. De son côté, Motorola confirme que les piles peuvent exploser, mais que c'est très rare, et on confirme également que l'entreprise va être attentive aux résultats de l'enquête. On parlait de l'iPhone tantôt, j'ai retrouvé la liste dont je vous parlais. Un analyste de télécommunication, Bruce Kushnick, a inspecté ce qu'on appelle communément les petits caractères du contrat de l'iPhone, ou en tout cas, il appelle ça les Terms of Service, les TOS de l'iPhone, et offre quelques révélations surprenantes. Numéro 1, l'iPhone exige un contrat de 2 ans avec AT&T aux États-Unis. J'imagine que ça va être la même chose pour Rogers au Canada. Numéro 2, c'est très cher, ça demande 2 280$. Et même au-dessus de 1 730$ en coût de wireless, de sans fil. Troisième, facture double. Vous et la personne que vous appelez se font tous les deux charger pour le même appel. Numéro 4, toutes les utilisations du réseau sont arrondies au prochain kilo-octet ou à la prochaine minute. Une pratique qui, selon eux, est maintenant standard et anti, pas selon eux, mais selon l'analyste, est maintenant standard et anti-compétitive. C'est que dans les années 90, c'était les compagnies de téléphone, pour être compétitives, ont créé la facturation à la sixième seconde où l'appel était arrondi à la prochaine dixième de minute. C'est-à-dire, si tu dépassais le 6 secondes, tu te faisais facturer pour 10 secondes. Ce changement donc ajoute 15% environ à la facture moyenne. Et en plus, les compagnies auront maintenant... la plupart des compagnies sont toutes rendues à facturer à la minute et au kilo-octet complet pour pouvoir faire un petit peu plus d'argent sur chaque transaction. C'est ce que le numéro 4 dit. Le numéro 5, les clients sont facturés pour les erreurs de réseau. Hein? Numéro 6, les gens sont facturés même si l'appel ne passe pas. Numéro 7, quelques frais bizarres et complètement peut-être faux ont été rajoutés à la facture, dont les charges, ils appellent ça le Regulatory Cost Recovery Charge. Voilà. Qui est un. C'est inclus dans le coût du service au lieu d'être. En tout cas, c'est expliqué dans le texte, vous l'allez voir. Numéro 8, 175$ pour les frais de termination ou pour arrêter votre contrat. En 9e, les appels les messages internationaux sont chargés avec un frais additionnel. Et même chose pour les fichiers qui dépassent les 300 kilo-octets. Voilà. Numéro 10, je vais essayer de regarder les autres rapidement. Numéro 12, le service de courriel ne supporte pas les attachements. Enfin bon, si vous voulez voir, il y en a vraiment beaucoup, il y en a 19 en tout. Si vous voulez aller voir l'article qui s'appelle « What's hidden in the iPhone's fine print » sur le site de l'émission au www.unechance.com. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, tiens, quelques petites nouvelles technologiques que j'ai trouvées vraiment intéressantes. La véritable téléportation n'est pas pour demain, mais des chercheurs australiens auraient réussi à téléporter des atomes entre Sydney et Perth par fibre optique. L'article vient de branchezvous.com. Donc, la méthode consiste à refroidir des atomes à l'aide de lasers jusqu'à ce qu'ils disparaissent et à les transporter par fibre optique à la vitesse de la lumière dans un autre emplacement où ils peuvent être reconstruits. Selon le Dr. Murray Olson, physicien du Australian Research Council Center for Quantum Atom Optics, cette méthode est très semblable à celle présentée dans la série Star Trek. Son collègue Simon Hain a ajouté que cette nouvelle méthode est beaucoup plus précise que les méthodes envisagées précédemment, qu'elle permet une meilleure reconstruction des atomes à destination. Il va de soi, selon l'article, que la méthode ne sera pas utilisée sur des humains dans un proche avenir, mais elle pourrait être utilisée dans des laboratoires dans les 4 prochaines années. Toujours quelque chose de très intéressant et de très très scientifique. L'écrivain de science-fiction Charles Stross propose un avenir où tout ce que nous faisons et disons est transformé en données et stocké pour la postérité. L'article vient encore une fois de branchez-vous. Selon lui, nos descendants bénéficieraient ainsi de la plus grande source d'informations historiques jamais vue. Il va de soi que, dès le départ, les questions d'éthique surgissent, dit l'article. Voulons-nous vraiment que tout ce que nous écrivons, que toutes nos conversations téléphoniques puissent être examinées, scrutées par des chercheurs dans le futur? Et qu'en est-il du futur immédiat? Ces données pourraient-elles servir dans les tribunaux? Seraient-elles accessibles aux compagnies d'assurance, etc.? Si on fait abstraction des questions d'éthique, continue l'article, il demeure tout de même une interrogation d'ordre technique. Comment pouvons-nous stocker autant de données? Eh bien, grâce à la nanotechnologie, il serait possible de coder au niveau atomique un cristal de carbone ou un diamant pour stocker l'information. Un gramme de ce carbone permettrait de stocker 887 808 pétaoctets d'information. Et là, pour ceux qui ne connaissent pas les pétaoctets, on va prendre comme exemple dans l'article, tiens, un document Word d'une page, ça pèse 24K, OK? Ça, c'est des kilooctets. Un CD-ROM contient 700 MB, mégaoctets. Un disque dur moyen contient de 100 à 250 gigs, des gigaoctets. Un téraoctet, c'est 1024 de ces gigaoctets. Et un pétaoctet, c'est 1024 téraoctets, ou encore 1 048 576 gigaoctets. Donc, dans le fond, c'est très, très gros. Comme base de référence, la somme de l'information stockée dans le monde en 2003 est environ de 2200 pétaoctets. En utilisant la technologie proposée, toute cette information pourrait être contenue dans un grain de sable. Il suffirait donc de 60 à 100 kg de cristal pour stocker l'expérience de vie humaine du 21e siècle. Cette technologie, loin d'être de la science-fiction, est utilisée par quelques chercheurs actuellement et n'est pas prête à être commercialisée, mais il serait sage de se poser les bonnes questions avant d'en arriver là, dit l'article de branchezvous.com. Si vous voulez lire et voir, ben pas visuellement, mais en lisant l'article, ce que c'est ce nombre de pétaoctets, allez voir Stockons le présent pour assurer un passé à l'avenir. C'est sur le www.unechance.com. Et dernière nouvelle pour ce bloc, le service de distribution vidéo Joost ne sera peut-être plus le seul joueur dans sa ligue très bientôt, selon Radio-Canada. Le laboratoire de recherche de Microsoft travaille présentement sur un nouveau service baptisé Live Station, qui est compatible à la fois avec Mac et PC, LiveStation aura l'avantage de pouvoir présenter une programmation en direct de télé, ce qui n'est pas encore offert par Juice, parce que Juice, c'est un service pour regarder la télé, si on veut, en ligne. Le nouveau service devrait être disponible en version bêta d'ici quelques mois, et contrairement à Juice, ce nouvel outil de distribution emploie la technologie Silverlight, le format concurrent au Flash d'Adobe développé par Microsoft. Et là, on parle de Silverlight qui est développé par Microsoft et non Flash d'Adobe. Si vous voulez voir une présentation de LiveStation en anglais par un des responsables du projet, allez voir l'article « Microsoft prépare son Juice ». Encore une fois, c'est sur le www.unechance.com. Voilà qui fait le tour pour le fil technologique. Regardons un petit peu quelques mots qui ont été les plus recherchés cette semaine sur l'Internet, sur Google version américaine. C'est le Google Hot Trends. Je cherche encore une fois, tiens, des mots que vous pourriez connaître parce que c'est très, très rare dans ce genre de choses-là. Numéro 2, pour le 12 juillet 2007, c'est photo de Miss New Jersey. Hein, pourquoi pas? Miss Jones en 43e position. Posh et Bex. On parle de choses Posh des Spice Girls en 35e position. Bob Allen en 55e position. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Wow, il n'y a pas grand-chose. Oh, tiens, 95e position. L'homme le plus grand du monde. World Tallest Man. Voilà. Et le numéro 1 présentement, c'est Liz Hernandez. C'est la nouvelle copine, on dirait, de Kevin Federline, l'ex-mari de Britney Spears. C'est exactement ça. C'est elle qui est en numéro 1 en ce moment même, 12 juillet 2007 à midi 20. Voilà, c'était le fil technologique. Plus tard, on parle de jeux vidéo. Et plus tard dans l'émission, on parle de l'E3 parce qu'évidemment, c'était cette semaine l'E3 à Santa Monica, belle place. Comme ça, on va parler entre autres de Microsoft. On va parler de Xbox 360 format Halo 3 et de Xbox Live Vidéo au Canada. Un paquet de faits saillants de l'E3 plus tard. Mais tout de suite, en musique, voici une pièce de bivouac à la connexion. À C'est Fou 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. quatre fontaines. Le chevreuil dans la lune et pépé quand j'ai passé au dos. Un style c'est bordel qui a fait un coup de vaisselle. Un peu crotté comme la poussière sur l'hier. Ah, c'est un bordel de bivouac à la connexion, l'émission d'informatique et de jeux vidéo à C'est fou 89.1 FM. Maintenant, plus tard, tiens, restez là parce qu'on va entendre un petit peu de Pépé et on va parler de l'E3, mais avant, regardons un petit peu le fil jeux vidéo. On commence par Take-Two. Lors d'un échange avec les gens de chez GameSpot, le président du conseil d'administration de Take-Two, Strauss Zelman, a tenu à réaffirmer publiquement son soutien à Manhunt 2. Grosse controverse autour de Manhunt 2. Actuellement dans la tourmente et menacé de ne jamais sortir sur PlayStation 2 et Nintendo Wii, le titre ultra-violent de Rockstar est aussi considéré comme une œuvre d'art et de divertissement par Zelman, qui affirme, et je cite, « Proposer la vision créative des développeurs aux consommateurs aussi authentiquement et fidèlement que possible est quelque chose de crucial à ses yeux », c'est ce qu'il a dit. Tout en souhaitant que le jeu sorte malgré sa classification américaine de « Adults Only », ça a été fait récemment, le jeu a été classé « Adults Only », ce qui veut dire que plusieurs chaînes de magasins ne voudront pas le vendre. Zelman s'est montré particulièrement critique vis-à-vis de l'ESRB, c'est ceux qui donnent les cotes au jeu, et de son rôle dans l'affaire, et je cite « Quel est l'intérêt d'un système de classification si cela signifie au final qu'un titre ne peut pas sortir? Cela nous paraît insensé. » Fin de la citation. La sortie de Manhunt 2 est pour l'instant en suspens. On vous tiendra au courant, évidemment, mais ça s'annonce pas très bien pour Manhunt 2. Maintenant, une autre controverse. Sony a offert vendredi dernier des excuses officielles à l'église anglicane concernant la représentation virtuelle de l'une de ses cathédrales dans un jeu vidéo violent pour la PlayStation 3. Et je cite, « Nous avons, sans le vouloir, offensé de nombreuses personnes et congrégations religieuses avec notre jeu de science-fiction. Nous présentons à tous les gens heurtés nos excuses les plus sincères. » C'est ce qu'a déclaré David A. Reeves, président de la division du divertissement de Sony en Europe. Bon, je vais rappeler les faits. Au début du mois de juin, l'église anglicane s'était dite choquée par la présence dans le nouveau jeu d'action Resistance Fall of Man de la cathédrale de Manchester. L'église y sert de lieu pour une tuerie faisant des centaines de morts. Et je cite, « C'est extrêmement important pour nous que Sony nous offre des excuses », avait alors déclaré à l'Associated Press le révérend Rogers Govender, doyen de la cathédrale de Manchester. « Ces jeux vidéo violents ne reflètent pas du tout nos valeurs », avait-il ajouté. Voilà, les excuses sont faites, on met ça dans la voûte. C'est terminé. Un autre controverse maintenant, il y en a beaucoup. Le fameux Ring of Death de la Xbox 360 fait de nouveau bouger Microsoft. Donc, après avoir étendu une première fois la garantie de la console, la firme récidive en annonçant le prolongement de cette garantie. Donc, à partir de la date d'achat, chaque Xbox 360 est garantie pour une durée de 3 ans. Donc, autrement dit, si vous avez acheté votre console en novembre 2005, elle est sous garantie jusqu'en novembre 2008, dit l'article de hardgamers.com. Ceux devant faire face au Ring of Death, et là, je vais expliquer le Ring of Death pour ceux qui ne connaissent pas, ces trois petites lumières rouges qui s'allument sur le bouton de démarrage de la console, c'est fatal, c'est fatal. Donc, ils vont pouvoir envoyer leur Xbox 360 pour réparation chez Microsoft gratuitement. La firme va s'occuper des frais d'envoi. Par ailleurs, ceux qui ont déjà payé pour faire réparer leur Xbox 360, selon les dommages couverts par cette nouvelle garantie, vont être remboursés par Microsoft. La firme prévoit d'ailleurs qu'elle devra débourser de 1,05 à 1,15 milliards de dollars au cours de son année fiscale en cours pour dédommager les propriétaires du Xbox 360 devant faire face au Ring of Death. Microsoft aurait d'ailleurs amélioré la console afin que les futures consoles ne souffrent pas de ce malheureux problème. Allez lire les commentaires des gens qui ont posté sur rgamers.com, c'est très intéressant. Voilà. Et il y a quelqu'un qui demande, n'est-ce pas plutôt 1 million? Non, c'est vraiment 1 milliard. En anglais, c'est 1,05 billion. Donc, c'est milliard en français. Voilà. Toujours au sujet, non, changeons pour Microsoft, de Microsoft à Nintendo, plutôt. N'importe quoi. Une autre preuve que Nintendo veut conquérir tous les marchés, c'est que la compagnie va commanditer, et là on parle de Nintendo, va commanditer une voiture de la série NASCAR, donc pour les courses du 12 juillet. 12 juillet, c'est aujourd'hui, si vous écoutez en direct, à Glen Watkins, et du 23 août prochain à Dover. Le pilote Greg Biffle va conduire un bolide aux couleurs de la Nintendo Wii. La Ford Fusion COT de Biffle va porter donc le blanc et le bleu, et le logo de la Nintendo Wii sera bien en vue sur la voiture. Sans plus tarder, donc, voici la présentation. Si vous voulez la voir, allez voir l'article qui s'appelle « Nintendo commanditera une voiture NASCAR », c'est sur le unechance.com. Très jolie petite voiture avec du beau petit bleu pastel. Maintenant, passons à Electronic Arts, qui prend le chemin de la démocratisation du jeu vidéo entamé par Nintendo en annonçant EA Sports Family, une fonction qui va permettre aux joueurs occasionnels d'apprécier les jeux de sport de la firme à l'aide de contrôles simplifiés pour la Nintendo Wii. Les premiers jeux à bénéficier de ce support vont être Madden NFL 08, NBA Live 08 et FIFA 08. En choisissant l'option Family Play dans ces jeux, vous allez pouvoir contrôler ces jeux avec la Wiimote afin d'avoir droit à des expériences de jeu beaucoup plus simples. Vous allez donc contrôler les principales actions du jeu, tirer, passer, etc., tandis que la console va se charger du reste. Évidemment, chacun des jeux va offrir des contrôles avancés pour les joueurs plus expérimentés, leur offrant la possibilité de contrôler leur jeu avec la Wiimote et la Nunchuck, qui est la petite molette que l'on tient dans sa main gauche, le genre de joystick. Voilà. Steven Spielberg va tenter de faire sa marque dans le monde du jeu vidéo, du moins selon l'article de MSNBC.com. Le légendaire réalisateur, ou légendaire, si on veut, travaille en ce moment avec Electronic Arts sur le développement de deux jeux, un pour la Nintendo Wii et l'autre pour la PlayStation 3 et l'Xbox 360. Le jeu s'appelle PQRS, littéralement les lettres PQRS. Ce jeu pour Nintendo Wii est pour l'instant décrit comme étant un jeu d'action et de casse-tête qui va mélanger la créativité de jeux de construction tels que Jenga avec l'humour des dessins animés du samedi matin. En fait, le jeu va se dérouler sur un programme de physique vous permettant d'utiliser la Wiimote pour bouger des blocs comme s'il s'agissait d'une extension de votre main. Donc, l'autre jeu, connu sous le nom de LMNO, hein? LMNO PQRS, hein? Ce jeu pour PlayStation 3 et pour Xbox 360 est décrit comme étant une rencontre entre North by Northwest et E.T. Donc, vous allez incarner un ex-agent secret jouissant d'une relation avec un ordinateur contrôlé par une femme. Le lien que vous allez établir avec celle-ci tout au long de votre aventure déterminera la nature de ses habiletés spéciales ainsi que les façons dont elle vous assistera. En fait, selon Spielberg, ce jeu va servir à voir si le jeu peut avoir un impact émotionnel sur le joueur alors que celui-ci va interagir avec son environnement. Concept, dit l'article, ambitieux, mais fort intéressant, je suis d'accord. C'est vraiment spécial. Une genre d'histoire d'amour avec un jeu vidéo, hein? Tu sais, je pense que ça vaut la peine. Téléfilm Canada, en partenariat avec le Festival Arcadia, offre aux adeptes canadiens du jeu vidéo la chance de voter pour leur projet favori parmi les quatre finalistes au grand concours du jeu vidéo canadien. Le finaliste ayant obtenu le plus grand nombre de votes se verra décerner le prix du public. Le vote s'effectuera en ligne dans le site web du Festival Arcadia, qui est considéré par les amateurs de jeux vidéo au Canada comme un événement clé. Les gens vont pouvoir voter pour le prix du public à compter du 9 juillet. Donc, c'est déjà commencé, et ce jusqu'au 21 septembre 2007. Le vote va avoir lieu dans le site web d'Arcadia. Comme je disais, c'est au www.playarcadia.com où on va retrouver aussi de nouvelles bandes annonces ainsi qu'un profil et un historique des finalistes de l'étape 2 du concours. Arcadia constitue le lieu de prédilection par excellence pour créer une dynamique entre le concours et celle et ceux qui en sont la raison d'être, les adeptes du jeu vidéo. Pour toutes les informations, allez voir l'article qui s'appelle « Grand concours du jeu vidéo canadien » sur le unechance.com. Une petite nouvelle très très rapide dans ce cas-ci, parce que vraiment, même que je vous dirais, si vous voulez pas en entendre parler, je vais parler du jeu des Simpsons. Si ça vous tente pas d'entendre parler du boss final, mettez des bouchons dans vos oreilles pour les 30 prochaines secondes, parce que je vais lire l'article tel qu'il est sur jeuxvideo. Qu'est-ce que c'est? JXP.ca, voilà. Donc, petite nouvelle par rapport au jeu des Simpsons. Donc, un spoiler. Une information que certains n'aimeraient pas savoir à l'avance. Donc, c'est maintenant officiel depuis quelques mois. Electronic Arts travaille sur un jeu vidéo basé sur la série The Simpsons. Selon Kotaku.com, le créateur de la série, Matt Groening, a récemment affirmé qu'il va être un personnage dans le jeu vidéo. Matt Groening, le créateur de la série, va être un personnage dans le jeu. Donc, tout indique qu'il était sérieux. Et non seulement ça, mais il va être le boss final, selon les rumeurs. Donc, Groening aurait particulièrement apprécié enregistrer plusieurs cris de mort pour son équivalent virtuel. Reste à voir si le résultat final sera concluant. Donc, Matt Groening sera le boss final du jeu des Simpsons, si la rumeur est vraie. Vous pouvez revenir et enlever vos bouchons, merci. Maintenant, c'est l'heure, tiens, qu'on a terminé le fil jeu vidéo. Regardons un petit peu les jeux qui se sont le plus loués en Super Club Vidéotron cette semaine. En cinquième position, c'est Guitar Hero 2 sur Xbox 360. En quatrième, c'est sur la Nintendo Wii Resident Evil 4 Wii Edition. En troisième, The Darkness sur Xbox 360. En deuxième, Dirt sur la 360. Et en première, le jeu le plus loué la semaine dernière chez Super Club Vidéotron, c'était Ninja Gaiden Sigma sur PlayStation 3. Restez avec nous. «

J'ai ce qu'il vous faut. Des rêves en vidéo. Je suis un artiste, je joue à la radio. Même si je joue faux, je suis un robot. J'ai ce qu'il vous faut. Des rêves en vidéo. Je suis un artiste, je joue à la radio. Même si je joue faux, je suis un robot. J'ai ce qu'il vous faut. Robo Academy de la Baroque Machine à la connexion. Leur album s'appelle Popus à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Ah, c'est fou 89 FM. Maintenant, c'est l'heure du fil informatique. Parlons un petit peu des nouvelles qui sont passées dans le domaine des ordinateurs avant de parler de l'E3. Parce que l'E3, c'est big, c'est gros. Ça s'en vient plus tard. Mais tout de suite, une série populaire de leçons de guitare gratuites a été retirée de YouTube à la demande de la RIAA, la Recording Industry Association of America, l'industrie du disque aux États-Unis. Donc, dans une de ses vidéos, David Chubb explique aux guitaristes internautes comment jouer une chanson des Rolling Stones. Le professeur de guitare utilise YouTube comme outil promotionnel, présentant comment jouer quelques sections d'une chanson populaire et indiquant que toute personne désirant la version complète doit s'abonner à son propre site. La RIAA, le chien de garde des maisons de disques des États-Unis, a vu là une violation des droits d'auteur et a promptement demandé le retrait de tous les vidéos de David Chubb. La décision, évidemment très impopulaire chez la communauté Internet en général, n'est pas sans rappeler la fermeture au début de l'année du populaire site Guitar Tab Universe, qui offrait aux visiteurs des partitions de guitare écrites par les internautes. La NMPA, qui est la National Music Publishers Association, l'association des éditeurs de musique, et la MPA, qui est la Music Publishers Association, avait ordonné la fermeture du site. D'autres sites semblables ont par la suite fermé leurs portes eux aussi par crainte de représailles. Beaucoup de points demeurent nébuleux au niveau de la musique en ligne, dit l'article de Branchez-vous. En effet, s'il est interdit d'expliquer comment jouer une chanson en ligne, qu'en est-il de ceux qui présentent une vidéo de leurs exploits sur leurs instruments sans donner de leçons? De ceux qui représentent les exploits, leurs exploits au jeu Guitar Hero, par exemple. Hein, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Ça va être quelque chose, évidemment, à suivre. Souvent décrié, cible principale d'Hollywood et de certaines maisons de disques, The Pirate Bay est un site qui référence des fichiers torrent pour procéder à des téléchargements via peer-to-peer de fichiers musique, vidéo, jeux, etc., qui ne sont pas toujours légaux. Ça s'appelle The Pirate Bay. L'année dernière, les serveurs de ce célèbre tracker et hébergeur de fichiers BitTorrent ont été placés sous le contrôle de la police suédoise. Les enquêteurs cherchaient à l'époque une trace de fichiers illégaux sur les disques durs des machines. En vain, ils n'en ont pas trouvé. Donc, les seuls fichiers BitTorrent de quelques kilooctets qu'ils avaient sur leur ordinateur n'étaient pas... rien n'avait été trouvé à part ça, et le service était donc resté ouvert puisque considéré comme légal à ce moment-là. Donc, cette semaine, on a appris que la police suédoise aurait décidé de bloquer l'accès au site pour les Suédois. En effet, The Pirate Bay pourrait prochainement passer sur la blacklist, la liste noire de la police suédoise, pour propagation de contenus pédophiles. La police affirme que des contenus à caractère pédophile ont été aperçus sur le site. Les autorités ont ajouté que si ces contenus étaient toujours actifs d'ici la fin de la semaine, The Pirate Bay passerait sur la blacklist suédoise et l'ensemble des Suédois n'auront plus accès au site, lequel sera alors qualifié de site pédophile par un message d'avertissement. De leur côté, les gens de chez The Pirate Bay rejettent en bloc ces accusations. Ils parlent de coups montés afin de bloquer le site qui ne plaît guère aux autres instances suédoises. Par ailleurs, les responsables du site reprochent à la police de ne pas les avoir contactés directement s'il y avait effectivement un souci. Donc, ils disent qu'ils auraient dû parler à eux au lieu. De leur côté, les membres du parti pirate regrettent le fait que le gouvernement use et abuse du filtre anti-pédophile pour bloquer l'accès à des sites jugés indésirables mais légaux. Le reste de l'article est sur le site unechance.com. Il s'appelle « The Pirate Bay bloqué en Suède pour pédophilie ». Le webmestre montréalais d'un site internet nazi vient d'être condamné mardi soir par un tribunal canadien à verser une amende de 4 000 $ pour avoir tenu des propos discriminatoires, notamment contre les Juifs. Dans son site, Bobby James Wilkinson, qui est originaire d'Ottawa, se présentait comme un représentant du parti nazi canadien et entretenait un forum de discussion qui contenait des messages prônant l'extermination des Juifs, des Noirs et d'autres minorités culturelles. En annonçant à Wilkinson son verdict de culpabilité, le juge Athanasios Hadjis a expliqué que même si le Montréalais d'adoption n'était pas l'auteur de tous les messages, il portait tout de même la responsabilité de leur diffusion. S'il ne veut pas faire face à d'autres amendes et d'autres poursuites, le juge a en outre exhorté Wilkinson à ne plus publier de messages haineux sur Internet. C'est un article de l'agence France-Presse. Selon des données colligées par la firme de statistiques Alexa Internet, Facebook serait le site communautaire le plus populaire au Canada, devançant MySpace. Le Canada rejoint le Royaume-Uni, l'Égypte, le Liban, la Jordanie, la Norvège, l'Afrique du Sud et les Émirats arabes unis parmi les pays où les internautes préfèrent Facebook plutôt que les autres sites de réseautage virtuel, dont MySpace. Donc MySpace, qui appartient à News Corp, est par contre le premier choix des internautes américains, australiens, italiens, mexicains, grecs, serbes, croates, vénézuéliens et portoricains. Du côté des internautes francophones, ceux-ci préfèrent Skyblog, puisqu'il est utilisé il est le plus utilisé des sites communautaires en France, en Belgique, en Polynésie française, en Guadeloupe, en Martinique et au Sénégal. Quant à HI5, il est le site communautaire préféré des internautes qui vivent dans les pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, dont la Colombie, le Honduras, le Nicaragua, le Pérou, Costa Rica, Équateur et Guatemala. HI5 est également populaire en Roumanie, en Mongolie, en Thaïlande et au Portugal, pour votre information. Une nouvelle entreprise offre aux blogueurs de se payer des commentaires dans d'autres blogs pointant vers leurs propres écrits, dit branchez-vous.com. L'entreprise, qui se nomme Buy Blog Comments, très évident comme nom, offre aux cyberchroniqueurs de faire connaître le fruit de leur travail en mettant à leur service un bataillon de commentateurs qui vont mentionner le blog en question dans des commentaires à propos et bien écrits. Le propriétaire de l'entreprise, John Waras, entend distinguer son entreprise des vulgaires polyposteurs ou des spammers par sa pertinence et la qualité des commentaires. Au lieu de transmettre à la volée un commentaire passe-partout contenant un lien vers le blog à promouvoir, les personnes qui travaillent pour Buy Blog Comments vont chercher des blogs au contenu similaire et pertinent et vont s'efforcer de répondre à l'auteur en intégrant l'adresse du blog à promouvoir dans leur réponse. Évidemment, les blogueurs ne sont pas de cet avis. La ligne entre le marketing viral et le polypostage est mince, mais beaucoup sont d'avis qu'elle a été franchie dans le cas présent, dit Branchez-vous. Si on consulte le site de l'entreprise en question, on découvre qu'il existe une façon simple de prévenir l'apparition de ses commentaires dans son propre blog. Il suffit d'activer l'option « No follow » du blog. Et l'entreprise vise uniquement les sites dont cette option est désactivée par défaut. C'est leur politique. Donc, Buy a Blog Comment, c'est le nom de l'entreprise. Petite nouvelle, en bref, le président d'ATI, Dave Orton, a officiellement annoncé cette semaine par voie de communiqué de presse sa démission. Donc, le président d'ATI a démissionné. Devenu vice-président exécutif chez AMD depuis le rachat d'ATI par cette firme, AMD, en octobre dernier, Dave Orton devrait donc laisser sa place à la fin du mois. Dave Orton affirme vouloir désormais voguer vers de nouveaux projets personnels et professionnels, mais n'a donné aucun détail supplémentaire en ce qui concerne ce départ. Il va être remplacé par Adrian Hartog et par Rick Bergman. Ça prend deux hommes pour le remplacer. L'annonce du départ de Dave Orton n'est pas une très bonne nouvelle pour AMD, dit Klubik.com. Il faut rappeler que Dave Orton avait tout de même été à l'origine du rachat de ArtX par ATI, un rachat qui a été crucial pour le bon développement de la firme face à la concurrence. Et là, les commentaires de l'article de Klubik.com dit « Les rats quittent le navire avant qu'il n'ait complètement sombré ». L'autre dit « Est-ce le début de la fin ? Bientôt, l'achat d'AMD et ATI par Nvidia, Intel ?» demande PinPin52. Allez voir l'article « Le président d'ATI quitte le navire AMD », c'est sur le unechance.com. Microsoft va ouvrir un nouveau centre de recherche à Vancouver, en Colombie-Britannique, afin de profiter du bassin d'immigrants qualifiés qui s'y trouvent, mais qui ne peuvent pas travailler aux États-Unis en raison des sévères politiques d'immigration, dit l'article de branchez-vous.com. Le centre de recherche, qui devrait ouvrir ses portes dès l'automne prochain, va être situé à moins de 3 heures de route du siège social de la compagnie à Redmond, dans l'État de Washington. La compagnie prévoit embaucher un premier contingent de 300 personnes pour l'ouverture de son centre, mais pourrait porter le nombre d'employés à 1000 dans les prochaines années. Le centre permettra ainsi à Microsoft de contourner les quotas très limités d'immigrants qualifiés qui peuvent entrer aux États-Unis. Bill Gates a d'ailleurs à maintes reprises demandé au gouvernement américain d'augmenter ses quotas puisque, selon lui, les compagnies informatiques ne peuvent combler leurs besoins sans cette main-d'œuvre. Il faut préciser que le Canada est l'un des pays où Microsoft engage le plus de main-d'œuvre étrangère après l'Inde et le Japon. Ça vient de l'agence France Presse via branchez-vous.com. Et finalement, deux petites nouvelles rapides. Google a annoncé dans son communiqué l'acquisition prochaine de la société Postini pour un montant de 625 millions de dollars en argent. C'est une compagnie spécialisée dans les solutions de sécurité à destination des systèmes d'information et de messagerie. Postini va permettre à Google de renforcer la crédibilité de ses applications en ligne à la destination des entreprises. Et toujours au sujet de Google, en Allemagne, un tribunal vient de décider que Google ne peut plus utiliser la marque Gmail sur son territoire, donc l'Allemagne. Celle-ci ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement légal par un jeune entrepreneur allemand qui désirait lancer un service hybride de courrier physique et électronique en 2000. Donc maintenant que le cas allemand est réglé, Daniel Gersh espère le même type de verdict en Espagne, au Portugal et en Suisse, où il avait également déposé la marque. Donc comme l'affaire traîne depuis un certain temps, Google offre déjà l'adresse googlemail.com parce que dans plusieurs pays, ils ont eu le même problème. Donc Gmail s'appelle Google Mail dans certains pays. L'adresse googlemail.com est déjà disponible pour les internautes allemands. Reste à voir si la société américaine va aller en appel sur le verdict. L'article vient de radiocanada.ca. Voilà qui fait le tour du fil informatique pour cette semaine. Regardons un petit peu ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire. Pourquoi pas? En 1946, le 8 juillet, l'Université de la Pennsylvanie, ça s'appelle la Moore School of Electrical Engineering de l'Université de Pennsylvanie, a lancé une école d'été sur les ordinateurs qui stimulait la construction d'ordinateurs d'ordinateurs dans des universités et des institutions de recherche. Donc c'était des discours comme ça. C'était en 1946, des discours sur les ordinateurs, je crois, voilà. En 1982, le 9 juillet, Disney sortait le film Tron, le premier film mainstream qui a utilisé des graphiques générés par ordinateur et des effets spéciaux avec en vedette Jeff Bridges. Mm-hmm. En 1900... Oh, il manque un chiffre à l'année. C'est beau. 196, ça doit être 1960 quelque. Le 10 juillet, Transatlantic Television et autres communications sont devenues une réalité. Wow, j'ai tellement de la misère à lire mon anglais aujourd'hui et à traduire sur la volée. Je vais vous laisser aller lire les articles. C'est sur lunechance.com. Il y a aussi en 76 la dernière slide rule. Une règle à glissière, si je comprends bien, si je traduis bien. Et puis voilà, en 1949, Watson de chez IBM croyait que que l'électronique allait remplacer les morceaux qui bougent, moving parts. J'abandonne tout de suite. Pendant qu'on passe en musique, voici tout un show avec Nighthawks à la connexion, l'émission d'informatique et de jeux vidéo à ZFU 89.1 FM. We'll be right back. Nighthawks. De la formation Two Hours Traffic, leur album s'appelle Little Jabs. À la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Maintenant, c'est l'heure de la série En concert. On est rendu à la pièce numéro 16 de la collection qui en comporte 22. Je vais vous en parler dans quelques secondes, mais avant, je voulais prendre le temps entre les deux pièces pour faire une dédicace. Je voudrais sincèrement remercier tous les gens qui participent à la collection et qui me lâchent en cours de route. Je vous disais ça comme ça. Donc, Doom Remix Project, ça vient de OCRemix.org. C'est la musique de Robert Prince du jeu Doom qui a été refait par des gens comme vous et moi, comme ça, qui ont repris la musique du jeu pour en faire une genre de trame sonore très, très longue, très, très ambiante. Les styles changent à chaque pièce. Donc, il y a des semaines où on écoute des pièces que j'aime. D'autres semaines, c'est un petit peu plus ennuyant. Celle-là, on va voir. C'est DJ Carbuncle avec Ryan 8-Bit. La pièce s'appelle The Glass Moon. Ça fait partie de la deuxième partie de la série, qui est divisée en deux, hein, et que vous pouvez retrouver téléchargé en MP3 via le réseau BitTorrent sur le doom.ocremix.org. Doom.ocremix.org. Sinon, passez par le site de l'émission au www.unechance.com. On écoute ça tout de suite. Et dans la deuxième heure, on parle de l'E3. Tous les détails que vous aimeriez avoir, j'ai essayé de trier ça et de faire ça pour vous, tout seul, comme ça. À la connexion, à CFU 89.1.

super humain à la connexion à C'est fou 89.1 FM. Maintenant, c'est l'heure enfin de parler de l'E3, le E3 Media and Business Summit 2007. Où on se rappelle jamais si c'est Business and Media Summit ou en tout cas. Donc, bon, je vous ai posté premièrement pour commencer, OK? Pour ceux qui veulent suivre avec moi, j'ai posté quelques sources que j'ai utilisées, dont GameCult.com, qui a un dossier qui s'appelle E3 2007 en direct. Ensuite, j'en ai posté un qui vient de jeuxvideo.com, qui, lui, s'appelle toute l'actualité de l'E3 2007. Il y a jeux-france.com, qui a des archives du mois de juillet, et c'est E3 du début presque à la fin. Joystick, Today's E3 Coverage, très, très complet, et c'est bien le E3 Media and Business Summit 2007, c'est bien le nom. Ensuite, Kotaku.com, qui a la catégorie E3 2007 aussi. Et voilà, mais ma source principale, c'est quand même hardgamers.com, qui eux n'ont pas tellement de catégories, mais leurs nouvelles parlaient beaucoup de l'E3. On va commencer par Nintendo avec leurs faits saillants pour l'E3 2007. Donc, la conférence de Nintendo, c'était cette semaine. Tels des journalistes chevronnés, les gens de chez hardgamers.com nous ont sorti les principaux points de cette conférence animée par notre bon ami, le coloré Reggie Fils-Aimé. Donc, la conférence a débuté avec des propos de Reggie qui affirme que Nintendo a dominé l'industrie, notamment avec la Nintendo DS qui a doublé sa part de marché entre 2005 et 2007. Le président de Nintendo of America a également stipulé que le marché des joueurs de plus de 25 ans a énormément augmenté et que ce marché renferme beaucoup de potentiel pour l'industrie. De plus, le tiers des consoles Nintendo sont achetées par des femmes dont la présence dans l'industrie est très prononcée. Nintendo a démontré le Wii Zapper, qui sera un fusil où s'accrocheront la Wiimote sur le dessus et le Nunchuck à l'arrière, donc un peu comme à Duck Hunt à la NES originale, et qui sera surtout utilisé dans les jeux de tir à la première personne afin de permettre de viser de façon plus réaliste. Parmi les jeux qui vont prendre avantage de ce nouveau gadget, prendre avantage est une traduction littérale, c'est qui vont tirer profit de ce nouveau gadget. Donc on note Resident Evil, The Umbrella Chronicles de Capcom, Ghost Squad de Sega et Medal of Honor de Electronic Arts. Le Wii Zapper va être en vente pour à peine 30$ canadiens et va venir avec un jeu prenant avantage encore une fois de ce fusil et conçu par Nintendo. Ensuite, Super Smash Bros. Brawl va être lancé le 3 décembre prochain sur la Wii, c'est la date officielle. Un jeu extrêmement attendu dans le domaine. Un nouveau canal, un channel, va être lancé pour la Nintendo Wii. Il va se nommer Check Me Out, Me comme dans M-I-I, les petits personnages qu'on peut se créer. Il va permettre de démontrer vos talents de création lorsque vous concevrez des Mii afin qu'ils soient jugés par le monde entier. Un genre de « Do you look good » des Mii. Des concours vont être d'ailleurs organisés pour ce canal et Reggie a mentionné des concours basés sur la création de Mii ressemblant à des vedettes. Donc, disons, on va vous demander de créer un Mii qui ressemble à 50 Cent, mettons. Madden NFL 08 et FIFA Soccer 08 de Electronic Arts vont pouvoir se jouer en ligne cet automne sur la Wii, très bonne nouvelle. Mario Kart pour la Wii a été annoncé et va pouvoir se jouer en ligne dans différents modes, dont le fameux mode Battle, c'est avec les ballons. Il va être lancé lors du premier quart de 2008. Un nouveau volant créé par Nintendo va faire ses débuts avec ce nouveau Mario Kart. Tout ça, c'est super excitant puisque celui-ci va venir dans le même paquet que le volant. Donc, vous allez pouvoir acheter le volant et Mario Kart pour la Wii va venir avec. Ça, c'est miraculeux. Ça va tellement vendre de consoles, ça, j'en reviens même pas. Super Mario Galaxy, même chose, va être lancé le 12 novembre prochain sur la Wii en Amérique du Nord. Un nouveau costume d'abeille pour Mario a été démontré. Hein? Pourquoi pas? Un habit d'abeille pour Mario. Reggie a mentionné le jeu Flash Focus qui est déjà disponible au Japon. Il s'agit d'un jeu entrant dans les catégories des jeux d'entraînement comme la série Brain, mais qui se centre sur l'acuité visuelle ainsi que sur de petits exercices comme frapper une balle de baseball et passer un ballon de basket dans un panier. Le jeu Wii Fit a été démontré. Il va être un jeu venant avec une plateforme d'entraînement qui s'appelle la Wii Balance Board. Non, mais... Je suis bouche bée à chaque fois que je lis quelque chose de Nintendo de ces temps-ci, c'est tellement génial. Donc, c'est sans fil. Sans fil. Plateforme d'entraînement sans fil. Très mince. Se positionnant sur le sol où vous aurez à simuler et à exécuter différents exercices pour vous mettre en forme, imaginez. Parmi ceux démontrés, notons des push-ups, des exercices de stretching, de danse, de yoga, d'équilibre et même un exercice où vous allez devoir renvoyer un ballon de soccer avec votre tête. Le jeu va calculer différentes données dont votre masse corporelle et votre équilibre lorsque vous serez sur la plateforme d'entraînement. Plus de 40 activités vont être proposées. Vous allez pouvoir comparer vos données enregistrées sur une période de plusieurs mois avec d'autres joueurs. Est-ce que vous êtes aussi excité que moi? Je sais pas, peut-être que j'en mets trop, là, mais je trouve ça tellement ça change, ça révolutionne littéralement. Pas littéralement, mais proche. Le monde des jeux vidéo, selon moi, Nintendo est rempli d'innovation. C'est leur année. C'est leur décennie, je pense, chez Nintendo. j'en mets tellement trop, je vais me faire taper dessus par les fans de Sony, de Microsoft tantôt. D'autres petites nouvelles via fourcolorrebellion.com. J'ai posté quelques articles rapides de Nintendo à la conférence de Nintendo, même si tout ça était très intéressant. Les nouvelles, les plus grosses nouvelles, en tout cas selon Four Color Rebellion, ont été révélées plus tard. Donc voici quelques annonces qui sont passées inaperçues pendant, qui n'ont pas été mentionnées pendant la conférence principale. Donc Chibi Robo Park Patrol va sortir le 2 octobre aux États-Unis. Mario Party DS va sortir le 19 novembre. Mario Party DS, malade. Un jeu qui s'appelle Professor Layton a été confirmé pour les États-Unis qui va sortir le 3 décembre. Battalion Wars 2 sort le 29 octobre. Forever Blue sort sur, aux États-Unis sous le nom de Endless Ocean. Ça va sortir le 29 octobre. Fire Emblem Goddess of Dawn pour la Wii va sortir le 5 novembre. Deux nouveaux jeux DS ont été annoncés, Nintendo Magic et Nintendo Crossword. Les deux ne sont pas des titres finaux et on n'a pas encore d'informations sur ces jeux-là. Et Advance Wars DS 2 a été annoncé via une liste de sorties européennes, mais aucune information pour les États-Unis a été confirmé. Si vous voulez plus de nouvelles, allez voir le fil continu sur le unechance.com. Petite mise à jour, tiens, une autre mise à jour vraiment géniale après la conférence de presse. Le Wii Zapper avec un jeu donc va sortir cette année pour $19.99. Peut-être Duck Hunt, on sait pas. C'est ce que les rumeurs veulent. Smash Brothers va sortir le 3 décembre. C'est bien ça, oui. On l'avait un petit peu dit tantôt, je pense. Mario Kart, oui, va sortir dans le premier quart de 2008 avec le volant. Il va être totalement en ligne. Mario Galaxy sort le 12, les dates sont écrites avec le mois premier, c'est ça, 12 novembre, avec un habit d'abeille, comme on disait. Il y a des vidéos, allez voir le unechance.com pour des vidéos de ça, on est à la radio, oubliez-le pas, donc allez voir les vidéos. Et Wii Fit, comme je disais tantôt, va être révolutionnaire, voilà. Donc, à ce qui paraît que la conférence a commencé un petit peu ennuyante, mais vraiment est vraiment devenue intéressante plus tard. J'ai posté un article individuel sur le Wii Zapper. J'ai posté aussi un article sur Mario Kart Wii individuel. Et puis, j'ai laissé un article E3 Link Dump Goodies Galore, toujours de Four Color Rebellion, avec un test hands-on, un test de Mario Galaxy de IGN. Même chose pour Metroid de Wired. Qu'est-ce que j'ai mis aussi? J'ai mis des écrans et des vidéos de Mario Galaxy, de Metroid, de Mario Kart Wii et un preview du jeu que vous attendez tous. J'imagine. Mario et Sonic aux Olympiques. Tout ça sur le unechance.com, c'est absolument à voir. Maintenant, allez-y tout de suite, je vais vous attendre. Donc, ça fait le tour des nouvelles de Nintendo pour l'instant. Tellement de choses se sont passées, on en a parlé en même pas 10 minutes. Ça a fait le tour, mais quand même, vous êtes au courant maintenant de ce qui se passe. Mario en habit d'abeille. Mario en habit d'abeille. Pourquoi pas de Mario en habit d'abeille? Hein? N'est-ce pas? On s'en va entendre une pièce. Ça me tente d'écouter quelque chose de différent un petit peu. On va regarder qu'est-ce que j'ai dans ma belle petite pile. Ça me tente de l'entendre du air. Ça vous tente-tu d'aller entendre du air? C'est ce qu'on va aller faire. Plus tard, on va parler de notre prochain bloc, c'est Microsoft. On va parler entre autres de Xbox 360 aux couleurs de Halo 3, de Xbox Live Vidéo au Canada, de jeux PC, de jeux sur Xbox Live Arcade et un paquet d'autres affaires. Mais tout de suite, voici une pièce de air. Air du Japon à la connexion. Assez fou 89 FM. avec Mère du Japon à la connexion à C'est fou 89.1 FM, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo avec Mathieu Plante. Et maintenant, j'accueille un grand collègue, j'allais dire ami. Ami, collègue. Ami, collègue, effectivement. Bonjour, Foam. Bonjour, Mathieu, comment ça va? On va t'appeler Mousse. Mousse. François-Olivier Marchand, Foam, c'est de la mousse. Mousse. Appelle-moi comme tu veux. Salut, Mousse. Comme Mousse qui est là pour réagir avec moi autour de ces nouvelles de l'E3. Nintendo, jusqu'à maintenant, c'est pas mal révolutionnaire, selon moi. Là. Oui, effectivement, Mathieu, c'est ça. Tu fais bien d'emporter les points aussi, dans le fond, qui révolutionne l'industrie de Nintendo. Yes, tellement. Non, mais t'as amené un bon point tantôt en disant que Nintendo a tellement perdu de terrain face à Sony qu'ils doivent... Ils n'ont pas le choix d'innover. Pas le choix. Mais ils font bien ça avec des push-ups. Des push-ups. Fusil comme dans Duck Hunt, mais plus révolutionnaire, plus à la pointe de la technologie. Un peu plus amélioré, espère-t-on. J'espère, moi aussi, Crime, s'ils ressortent un fusil comme Duck Hunt, tu peux juste pointer, ça va être plate. Faut que tu puisses faire des affaires, le fun. En tout cas, Nintendo, si vous voulez plus de nouvelles, allez voir les liens que j'ai postés sur lunchance.com. Pendant que nous, on passe à Microsoft. Microsoft qui est notre prochain bloc à thème pour le 3. Beaucoup de choses de Hargamers sur l'article. Je vais commencer par la mise à jour qui dit que Microsoft a confirmé certaines informations suite à la conférence. Donc, la console 360 basée sur Halo 3 va bel et bien être lancée le 25 septembre aux côtés du jeu. Le jeu de rôle Mass Effect sera quant à lui lancé en novembre, tandis que Project Gotham Racing 4 va être mis en marché en septembre. D'accord. Donc, alors que le 3 se faisait de nouveau plus intime et dédié aux médias et aux professionnels du jeu vidéo, Microsoft, comme chaque année, tient sa conférence peu avant l'ouverture du salon. Donc voici les faits saillants de cette conférence via rgamers.com avec les réactions de Foam à côté. Oui, bon. Donc, je vais y aller en ordre. Après une ouverture assez spéciale où on a vu Peter Moore s'essayer à Rock Band, édité par Electronic Arts et prévu pour la Xbox 360, Viva Piñata Party Animals est annoncé. Donc, ce jeu est développé par Chrome Studios et va se centrer sur plusieurs mini-jeux humoristiques basés sur les personnages du jeu Viva Piñata. Donc, par exemple, vous allez devoir faire avancer des bateaux sur l'eau en rotant. En rotant. D'accord. Le jeu va comprendre une cinquantaine de mini-jeux au total. D'accord. Après une phase très, très PR, pleine de statistiques, la présentation de CNIT s'est faite. Donc, c'est un nouveau développement qui s'inspire du célèbre jeu de plateau, le jeu de société CNIT, sur DVD. Le tout va être accompagné d'un nouveau contrôleur proche au niveau design d'une télécommande et va s'adresser à toute la famille. Donc, si je comprends bien, Microsoft sort une télécommande, un peu comme Nintendo, si on veut. Peut-être pas littéralement, mais... Ouais, ben j'imagine que, dans le fond, l'industrie va commencer à copier Nintendo, comme dans les premières années, dans le fond, comme Nintendo a sorti la fameuse console qui a révolutionné la Terre entière. Je pense que Nintendo est l'innovateur et les autres sont les suiveurs un petit peu là, de ces temps-ci. Là. Oui, malgré que Nintendo n'avait déjà perdu quelques années, mais là, c'est ça, dans le fond. Mais l'industrie, dans le fond, c'est ça, c'est d'innover. L'entreprise se doit d'innover. Faut que les choses avancent, sinon ça reste toujours pareil, puis c'est plat. Tu as tout dit. C'est un peu le résumé de ça. Microsoft a annoncé que tous les jeux de sport de Electronic Arts vont rouler deux fois plus vite que ceux de l'an dernier, le tout afin de rendre l'expérience de ces jeux plus réaliste que jamais. NHL 2008, On a hâte de jouer. Ouais, ben, il y a des gens qui aiment ça, les jeux de hockey. Tu n'es pas un fanatique invétéré. J'ai bien la misère avec les jeux de sport sur jeux vidéo. Une présentation du Xbox Live et des jeux Xbox Live Arcade disponibles permet de voir quelques titres à venir sur le Xbox Live Arcade. Donc, c'est ça, si vous voulez aller les voir, allez sur l'article. En plus de ça, Sonic the Hedgehog et Golden Axe en édition originale sont dès maintenant disponibles en download pour ceux que ça intéresse. Microsoft a signé une entente avec Disney afin d'apporter tous les films de cette dernière sur Xbox Live Marketplace en haute définition. Parmi ces films-là, on peut retrouver Hunchback of Notre Dame, Atlantis, Hercules, je ne veux pas les nommer en anglais, c'est même trop difficile. En tout cas, The Emperor's New Groove, Armageddon, Sky High et The Waterboy, ainsi que d'autres films récents tels que The Queen et Déjà Vu. Ces films sont d'ailleurs dès maintenant disponibles aux États-Unis. Ils vont l'être cet automne au Canada et en Europe. La Xbox 360 Elite va être lancée le 24 août prochain en Europe. Microsoft a confirmé l'ajout de motocyclettes pour Project Gotham Racing 4. Le jeu va être lancé en septembre, va permettre aussi d'échanger des photos et des vidéos entre joueurs. La belle présentation de Lost Odyssey permet de se faire une idée de ce jeu de rôle prévu pour bientôt et s'inspirant notamment de Final Fantasy. De plus, Gears of War et Viva Piñata vont sortir sur PC. Surprise. Gears of War va comprendre un éditeur de niveaux ainsi que 5 nouveaux niveaux en plus d'un nouveau mode multijoueur et de nouveaux succès à débloquer. La version PC du jeu va pouvoir rouler sur Windows XP et Vista et c'est prévu pour le temps des fêtes. Surtout qu'il y a quelque chose, tu me coupes quand tu veux. OK. Quand tu veux. Une version bêta multijoueur du jeu Call of Duty 4 Modern Warfare va être lancée exclusivement sur Xbox 360, mais impossible de dire pour l'instant ça va être quand. Deux épisodes pour Grand Theft Auto 4 vont être lancés d'ici le printemps 2008. Ils vont être exclusifs à la Xbox 360 et vont offrir, bien sûr, du nouveau contenu. Grand Theft Auto? Oh ouais, c'est big. Ça va être formidable. Es-tu un fanatique, Mathieu, de Grand Theft Auto? J'ai joué une fois à Grand Theft Auto. Une fois? Seule fois. J'ai trouvé ça bien fait. J'aime l'idée, j'aime le concept, mais moi, les jeux violents... Ouais, c'est un jeu de plateforme, dessin animé, le fun, le bonheur et joie. Ouais, OK. Mais j'aime le concept. Ouais, c'est ça, mais tu peux te promener partout, tu peux faire pas mal ce que tu fais dans la vraie vie, mais tu sais, tu peux exagérer, là, tu peux... C'est ça, c'est comme la vie fois 100. Ouais, à moins que tu sois et vraiment sans conséquence. Sans conséquence sur personne. Très exactement. Important. Moi, j'amène l'idée, pourquoi pas, Nintendo pourrait faire un jeu à la Grand Theft Auto ouvert, tu sais, ouvert avec une grande surface, mais avec Mario. Avec Mario comme personnage principal? C'est ça, puis à la place de tuer du monde, tu sautes sur des Goombas puis sauves la princesse. Pourquoi pas? Pourquoi pas? L'année prochaine, à l'E3 2008. OK, on va te voir là. Ouais, je pense que ça va être là-bas qui va annoncer ça. J'ai bien hâte de voir ça. Ensuite, donc le trailer complet de Resident Evil 5 va être disponible le 26 juillet prochain sur le Live Marketplace. Ça va être très, très intéressant pour les fans. Et une console, la grosse nouvelle, une console Xbox 360 à l'effigie de Halo 3 qui va être donc verte et orange. Ça va être lancé à travers le monde aux côtés d'accessoires basés sur le jeu. La console va être disponible dès septembre, probablement le 25, qui est la date de sortie du jeu. Tantôt, on a parlé de la mise à jour. Ça a confirmé que c'était vraiment donc le 25 septembre que ça va sortir. Et puis, Project Gotham Racing va être sur le marché en septembre aussi. Voilà, donc ça, c'est des grandes nouvelles pour Microsoft. J'ai posté un article de JXP.ca qui parle un petit peu de la même chose, de l'E3 qui se passait à Santa Monica pour Microsoft. Il y a aussi Xbox Live Vidéo au Canada. J'ai posté un article individuel là-dessus. Les jeux PC de Microsoft, les jeux Xbox Live Arcade, les jeux Xbox 360, des photos de la console Halo 3, parce que l'autre article de Hard Gamers n'avait pas de photos. C'est pour ça que je l'ai posté. Si vous voulez aller voir ça, c'est très, très séduisant comme console. Et les grosses nouvelles tantôt pour PlayStation Portable, redessiné tantôt, on va parler de ça. Ça va être, imagine, une nouvelle PSP. Un nouveau style, un tout nouveau genre, je dirais. Nouvelle couleur. Il va y avoir une version argent, une version noire. Tout ce qu'il va y avoir de différent, c'est qu'elle va être plus petite. En tout cas, c'est pas mal le point de vente, le point vendeur. Je trouve que le reste, c'est un petit peu moins plus important. Plus léger aussi, j'imagine. Plus légère de 33%. On en parlera tantôt. On va parler de ça dans le bloc Atem E3. On parlera de Sony. Mais tout de suite, voici une pièce que j'ai choisie différente cette semaine. C'est très, très différent. C'est les haricots magiques. Haricots magiques. C'est un genre de groupe pop jazzé. Voici Transgénique. Tout de suite à la connexion. À C'est fou 89.1. Des mutants dans ce labo, on devient tranché. Écho Magique avec Transgénique de leur album éponyme. Dans la dernière demi-heure, on parle de Sony dans le bloc E3 et on fait le tour du net dans la chronique autour du net. À la connexion, restez avec nous. À la connexion. Ça, faut surveiller un petit peu là-dedans. Ah, écoutez, oui. La connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo avec Mathieu Plante et Mousse. Bonjour. Bonjour François-Yves Marchand. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Hey, oui. Belle journée dehors. Absolument. Très belle journée dehors ou moyenne ou. Tu sais, ça dépend, tu sais. Ouais, belle. Ça dépend quand les gens nous écoutent. Pense à ça un peu. Réfléchis à ça. Dans la dernière demi-heure qui s'en vient, il nous reste à peine 27 minutes pour parler. On va avoir des nouvelles de Sony à l'E3, évidemment, parce que l'E3, c'est big, c'est huge. On va aussi parler des mots-clés qui ont été les plus recherchés sur Internet, de quelques petites affaires autour du net et quelques gadgets si on a le temps. Tout ça plus tard à la collection. Mais tout de suite, voici une pièce d'un groupe que Faune aime beaucoup. Médric. Médric. Grow up and blow away. Ah, ben là, il laissait dire son petit... Ouais, elle a dit grow up and blow away. C'est sur le palmarès anglophone de C'est fou à la collection au 89.1. Magic avec Grow Up and Blow Away, la pièce titre de leur plus récent album, mais c'est sur le palmarès anglophone de C'est Fou. Cette semaine, vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo avec François-Yves Marchand à mes côtés et moi-même Mathieu Plante. Toujours présent. Toujours présent, fidèle au poste. Donc, on était dans le bloc à thème E3. Cette deuxième heure est presque complètement consacrée à l'E3, le Million Business Summit 2007 à Santa Monica, en Californie. On est rendu à parler de Sony et de sa PlayStation 3 et sa PlayStation Portable. Commençons par les faits saillants de la part de rgamers.com. Je vais lire encore une fois l'article au complet. Le 3 change, mais certaines bonnes vieilles habitudes demeurent. Après les conférences de Microsoft et de Nintendo, voilà le tour de celle de Sony qui succède à une présentation intéressante de Killzone 2. Donc, un des premiers points importants de la conférence est sans aucun doute la présentation de la nouvelle PSP, moins épaisse, plus légère et qui peut se connecter à une télé grâce à sa sortie vidéo, qui est la grosse affaire. Les joueurs vont pouvoir ainsi jouer et regarder des vidéos venant de la PSP directement sur leur TV. Donc, les gens vont pouvoir jouer à leur jeu de PSP sur la télé. Pourquoi, je sais pas trop. Là, ça n'a pas vraiment marché pour la Game Boy ni pour la... pas pour la DS parce que c'est pas encore fait, mais pour la Game Boy, ça a pas vraiment super gros marché, le Game Boy Player. Donc peut-être que Sony se dit, bon, ben pourquoi pas le faire. Ça va être un article de plus à vendre aux gens, mais je m'attends pas à des grands résultats pour ça. Là. Ouais, c'est plus complémentaire, j'imagine. C'est sûr qu'ils misent pas pour en vendre plus, là, mais bon, c'est sûr que les caractéristiques... C'est un bonus. Ça doit pas leur coûter cher à ajouter sur la console une petite sortie. C'est bien pour regarder des films, peut-être, si vous êtes en voyage dans votre salle d'hôtel. Tu peux écouter de la musique aussi. Ouais. Donc c'est utile, c'est bien, c'est un bonus. Ouais. Donc ensuite, une PSP édition spéciale Star Wars Battlefront va sortir en octobre prochain pour 200$ et va contenir le jeu Star Wars Battlefront et une PSP blanche avec la face de Darth Vader dessus. Oh, malade. Quelques nouveaux jeux intéressants vont faire leur apparition sur le PlayStation Network, dont Echo Chrome qui va sortir sur PSP et PS3 et surtout Wipeout HD sur PSP qui va proposer des graphismes en 1080p en haute définition. Quant à Home, le projet de communauté de PlayStation 3, tout semble bien aller quant au déploiement à la fin de l'année pour le grand public. Donc, on apprend que le concept va s'étendre au téléphone cellulaire, même si les avatars en 3D vont se limiter à la console de nouvelle génération de Sony. Par ailleurs, Home va servir de Game Lobby, un lobby de jeu où les joueurs vont pouvoir directement démarrer leur jeu. Home, ça va être un genre de Sims, si on veut, à l'intérieur du PlayStation Network. Ça va être un genre de maison pour tout ce que vous faites sur votre PlayStation. Voilà. Quant aux jeux normaux sur PlayStation 3, Unreal Tournament 3 va être exclusif PC et PS3 cette année et va offrir la possibilité d'importer des mods créés sur PC vers la PlayStation 3, des modifications. NCSoft va aussi faire quelques MMORPG, des jeux massivement multijoueurs, des jeux de rôle massivement multijoueurs et en ligne exclusivement sur la console de Sony. Une des choses les plus attendues est sans doute Metal Gear Solid 4. Le jeu va être exclusif à PlayStation 3, comme confirmé par Hideo Kojima. Et un nouveau trailer, une bande-annonce, est disponible pour le PlayStation Network. Kojima va présenter une démonstration de Metal Gear Solid 4 la semaine prochaine à Tokyo. En passant par le PlayStation Home Theater, Phil Harrison présente aussi quelques jeux à venir en 2007 pour la PlayStation 3, dont Ratchet & Clank Tools of Destruction, Folklore, Heavenly Sword, Uncharted, Drake's Fortune ou encore le nouveau développement de Sucker Punch. Les amateurs vont être heureux d'apprendre que Gran Turismo 5 Prologue ou 5 Prologue va être accessible via un download sans qu'aucune date soit avancée pour l'instant. Et la conférence est terminée avec une nouvelle présentation du très attendu Killzone 2 qui va sortir début 2008 sur PlayStation 3. Le jeu a été joué en direct. Si vous voulez voir les vidéos de tout ça, allez voir dans les notes de l'émission sur le www.unechance.com. J'ai posté un article complet sur la PSP redessinée. Sur la PlayStation 3 qui... Oh, j'ai pas parlé de ça dans l'article, je crois. La baisse de prix de la PS3. Non, effectivement. Très important. Alors que la rumeur se faisait de plus en plus insistante, Sony Computer Entertainment America a annoncé cette semaine une baisse de prix de la PlayStation 3. Donc, c'est effectif dès le 9 juillet. Donc, c'était il y a 3 jours, c'est en direct. Donc, de ce fait, dès cette semaine, vous allez trouver la version 60 Go de la nouvelle console de Sony à 549 au lieu de 659. C'est 110$ de moins. De plus, pour les joueurs les plus gourmands, Sony Computer Entertainment America vient de mettre en vente ou va mettre en vente une édition limitée de la PlayStation 3 qui va comprendre le jeu MotorStorm, un disque dur plus grand au prix de 659$, donc l'ancien prix. va être le nouveau prix de ce pack. La version devrait être disponible au mois d'août et pour plus de nouvelles, ça va être annoncé pendant la conférence de l'E3, c'est ce qu'on a dit tantôt. C'est difficile à remettre en ordre, il y a tellement de choses qui sont passées. Article sur la baisse de prix officielle de la PS3 et voilà l'article sur la PSP. Tout ça, c'est sur lunechance.com. Allez visiter ça et voyez les liens vers les sections E3 de tous les sites que j'ai postés. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais pour la PlayStation 3, je crois qu'il était vraiment temps pour eux autres de diminuer le prix. La concurrence, en tout cas, Xbox 360, là, beaucoup moins cher et dans le fond pour sensiblement les mêmes résultats. Exactement, parce que la plupart des jeux sur Xbox sortent sur PlayStation 3, ils n'ont aucune différence. Les deux consoles, c'est presque pareil dans la plupart des cas. Donc, il faut bien qu'ils aient quelque chose pour se différencier eux-mêmes. À part le prix, parce que là, vous êtes gagnant si vous achetez une Xbox. Donc voilà, mais 100$ de, 110$ de moins, c'est pas énorme non plus. C'est pas énorme, mais c'est un commencement. Là. Ça va diminuer tout le temps. Exactement. Et j'ai lu un autre article, je l'ai pas mis dans les liens. Pour vrai, je l'ai pas mis dans les liens, mais je me rappelle d'avoir vu que dans les prochaines semaines ou mois, les analystes disent que Microsoft va sortir, va baisser leur prix aussi pour faire compétition encore plus à Sony. Donc la bataille va être de plus en plus féroce pendant les prochaines semaines. On va vous tenir au courant, évidemment. Est-ce que t'as des chiffres, non? J'ai pas de chiffres avec moi, non, mais je me rappelle d'avoir lu ça. Okay. Je vais chercher un petit peu pendant la musique qu'on s'en va entendre. Alors que pour les dernières 15 minutes, on va faire un sprint final de quelques jeux pour le bureau, de quelques logiciels à télécharger, les mots-clés les plus recherchés, tout ça dans une espèce d'amalgame d'informations. Mais avant, voici Los Campesinos à la collection à CFU 89.1. If you shout it straight back at me, let's waste names on the place. When I'm the dead cherry, we throw bodies, you throw knives. So we'll save it for fizzy drinks and ice. It's good that you care so much about things, but you left talking powder all over the bathroom. And yeah, it's great, you can blow smoke rings, but you won't taste your lips if you do get to kiss her. And it's your party, but I'll die if I want. Air was better and I couldn't tell if the singer's keyboard was a crutch or a synthesizer, but it sounded like he'd broken a limb each and every time he pushed the key down or in. There's red stains all over the place, men of the dead cherry, and we throw bodies, you throw knives, so the same if fizzy drinks are nice. There's red stains all over the place, men of the dead cherry. C'est bon, ça. Est-ce que je suis surpris quand j'ai fait ça? Je suis surpris, hein? Oui. Je m'attendais pas à ça, Mathieu. C'est rempli de surprises, la connexion. Hein? Toujours. L'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. L'émission la plus rapide au monde. On vient d'entendre Los Campesinos avec We Throw Parties, You Throw Knives. Ça vient de leur album Sticking Fingers Into Sockets. On était en plein bloc à thème sur l'E3. On parlait de plein de nouvelles. Et tantôt, je faisais référence à la PlayStation 3 et sa baisse de prix. Je disais que Microsoft avait peut-être une idée de changement de prix aussi. Donc, je vais lire l'article que je viens de retrouver sur jxp.ca. Donc, ça dit que le site américain IGN a contacté Microsoft pour obtenir des commentaires à propos de la baisse de prix de la PlayStation 3 annoncée par Sony. Donc, on rappelle que le modèle 60GB vient de baisser de 110$ en Amérique du Nord. Et je cite... « Nous ne sommes pas surpris par la réaction de Sony face au marché », c'est ce qu'un représentant a d'abord affirmé à IGN. Il a continué en disant, et je cite, « Nous verrons si ça va faire une différence. Il est intéressant de constater qu'ils ont significativement réduit leur prix après 8 mois seulement, alors que la Xbox 360 a continué de bien se vendre avec le même prix pendant plus d'un an et demi. Nous sommes où nous voulions être. Tout est une question de livrer les meilleurs jeux aux joueurs de partout dans le monde. Fin de la citation. Et là, l'intéressant, le point que je voulais amener, c'est certains analystes, dont un de chez Wedbush Morgan, croient que Microsoft va bientôt annoncer une baisse de prix pour la Xbox 360, question de répliquer directement à Sony. Une bagarre ne se finit plus. Ben, c'est ça, c'est une bataille sans fin. C'est pas David versus Goliath, mais c'est Goliath versus Goliath un petit peu moins gros. Ouais. C'est ça. Goliathette. Voilà, donc c'est la nouvelle de Microsoft. Si vous voulez la voir, allez voir sur jxp.ca. C'est dans les nouvelles du 10 juillet. Baisse de prix du PlayStation 3. Microsoft commente. Donc, ça fait le tour du bloc ATEM 3. J'ai laissé les liens sur le site unechance.com, les sites de GameCult, jeuxvideo.com, Jeux France, Joystick et Kotaku. Tout est là. Toutes vos informations en bref et en long et en large, des photos de chaque jeu et des vidéos de la plupart, c'est sur le unechance.com encore une fois. Parlant d'unechance.com, il reste à peine 12 minutes, donc j'ai posté rapidement sur le site des jeux pour le bureau, des jeux qui, selon moi, m'ont l'air très intéressant. Et pour passer quelques après-midi au bureau, c'est toujours une bonne façon. J'ai posté The Calamity Game, Sound Energy, The Four Color Problem, Bound Bear, Dangle et un jeu téléchargeable en shareware qui s'appelle Handball, qui a l'air particulièrement bon. Comme téléchargement, j'ai posté 6 Stream Meter, qui est un logiciel qui se met dans votre barre de tâches en bas à droite de votre écran à côté de l'horloge, qui vous permet d'un seul icône d'afficher votre CPU et votre utilisation de RAM. Donc, pour les power users de Windows, c'est toujours une bonne affaire. Et l'icône est colorée, donc vous montrant le pourcentage d'utilisation. Et en vert et en jaune, vous êtes correct. En rouge, ça veut dire que vous poussez un petit peu trop loin votre machine. Donc, peut-être arrêtez de faire autant de choses en même temps. Le logiciel s'appelle SysTreeMeter. Il y a aussi, tiens, un petit vidéo qui vous montre comment utiliser l'extension pour Firefox qui s'appelle Mouse Gestures. Ceux qui utilisent Firefox, vous pouvez naviguer sur Internet avec des mouvements de souris. Par exemple, à la place de d'aller cliquer sur le bouton pour reculer d'une page, vous pouvez faire un genre de forme avec votre souris en cliquant, en tenant, et ça va faire des actions pour vous. Par exemple, actualiser, retourner à votre page d'accueil, avancer, reculer, mettre un signe, n'importe quoi. OK. Mais ça, faut que tu télécharges ça. Faut télécharger une extension Firefox qui prend quelques cas. Tu cliques dessus, ça l'installe, tu redémarres ton Firefox et à partir de là, tout est activé. Tu vas dans la fenêtre module complémentaire, tu arranges les options pour savoir exactement les raccourcis à faire. Très, très pratique. Il y a une vidéo dans l'article pour vous montrer comment faire. Et en bas de l'article, il y a un lien c'est pas à la fin, c'est dans l'article qui dit « Mouse Gestures Firefox Extension ». Cliquez sur le lien pour aller télécharger directement votre extension Firefox. Est-ce que tu l'as essayé, Mathieu? Pas présentement, non. Je m'excuse, mais non, je peux pas, c'est pas installé. Ça, c'est pour les téléchargements, c'est fait. Regardons un petit peu sur la toile du Québec, voir les mots-clés les plus recherchés. C'est toujours très intéressant, non? La Toile du Québec qui a changé son look en plus cette semaine. Comment? OK. Mais c'est ça, moi dans le fond, je t'écoute souvent. Et puis, c'est toujours les mêmes mots qui reviennent. C'est toujours les mêmes mots. C'est toujours pareil, pareil. Donc, cette semaine, y a-t-il du changement? Il y a toujours du changement dans les positions. Ouais, l'ordre. Il change un peu. Tu vas voir que cette semaine, il y a seulement 2 changements. Le reste, c'est toujours pareil. En 5e position, c'est stable, c'est accéder. Hein? En 4e, descente pour Hotmail, descente d'une place. En 3e, remontée d'une place, donc échange. Météo Média est en 3e. En 2e, c'est l'Auto-Québec. Et en première, le jeu le plus recherché la semaine dernière sur la Toile du Québec, c'est Horoscope. Horoscope. Hey, mais comme Hotmail, là, ils savent pas l'adresse? Non, c'est ça. Mais non, les gens, ils savent pas taper un .com. Il faut qu'ils aillent voir sur un site comme la Toile du Québec. Ils vont leur dire... Ils vont leur dire c'est Hotmail.com. Ben, au moins, ça marche, tu sais. Ah, c'est ça. En même temps qu'ils réussissent à se rendre là-bas, moi, je suis bien content pour eux. Bien content. Regardons un petit peu les jeux les plus vendus cette semaine au Japon, hein, parce que vous savez que le Japon contrôle la planète. Je sais pas. C'est selon la société Media Create pour la semaine dernière. Donc, fallait s'y attendre. Apparemment que la sortie le 23 juin de 2 nouveaux modèles de DS Lite au Japon, le Metallic Rose et le Gloss Silver, a arrondi les chiffres de vente pour la console sur cette période-là. Donc voici le top 5 des consoles en 5e avec presque un petit peu plus de 9500 ventes, la PlayStation 3. En 4e, la PlayStation 2 avec presque 12 000. En 3e, la PSP avec presque 33 000. En 2e, la Nintendo Wii avec 65 500 environ. Et en première position, la console la plus vendue, c'est toujours la même chose, avec presque 164 000 ventes, c'est la Nintendo DS Lite. Ça donne un total sur l'année de 3 817 000 et des poussières. Côté jeu, toujours au Japon, selon Media Create pour la période du 18 au 24 juin. En cinquième position, on retrouve Grow Lancer 6 Precarious World sur PlayStation 2. En quatrième, c'est sur Wii, Wii Sports. En troisième, DS Medishikara Training, le jeu de training médical sur la DS. En deuxième, Itadaki Street DS sur la DS. Et en première, c'est The Legend of Zelda Phantom Hourglass avec presque 303 000 ventes sur cette console. C'est beaucoup. Vraiment très, très beaucoup. Il nous reste à peine quelques minutes. Je vais me dépêcher comme si je faisais pas ça depuis la dernière demi-heure. Regardons un petit peu les nouveautés en magasin cette semaine. Il n'y a pas grand-chose, surtout du côté de Nintendo. Il n'y a même rien. Rien sur Nintendo, à part sur DS. Il n'y a rien sur la Wii, il n'y a rien sur... je crois qu'il y a quelques sorties sur la Virtual Console, mais c'est pas dans ma liste ici. Donc voilà, c'est la semaine de l'E3. On dirait que les compagnies prennent une petite pause pour laisser les gens saliver pour les prochains jeux qui s'en viennent. Donc sur DS, Vegas Casino High 5 de SVG Distribution et Chicken Shoot de Zuzex. Chicken Shoot? Chicken Shoot. Chicken Shoot. Un petit jeu de... Je me rappelle pas, il me semble que c'est un puzzle. Je vais aller voir, je vais ouvrir une page à part de ça. Sur PC, Jewels of Cleopatra, Taito Legends 2, Swords of the New World, Granado Espada et Ride Carnival Tycoon. Un autre jeu de Tycoon, quand même. Sur Game Boy Advance, Harry Potter and the Order of the Phoenix. Le film sortait hier, si vous écoutez live, donc c'est pour ça que c'est là. Sur PSP, Smash Court Tennis 3 et sur Xbox 360, Project Silphid. C'est ça, donc ça vient de... C'est pas écrit à la compagnie, je crois que ça vient de Microsoft, mais je suis pas sûr. Tiens, Chicken Shoot sur PC, je crois qu'il y a des photos sur celui-là. Allons voir ça. Intriguant. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un jeu d'action. Okay. On voit des poulets voler. Je pense que c'est pas mal tout ce qu'on voit sur les photos. C'est pas... ça ressemble à un Duck Hunt. Je pourrais pas vous certifier ça, mais ça ressemble à un genre de Duck Hunt. Voilà. Enfin, donc ça fait le tour des jeux en magasin cette semaine. Maintenant, si on a à peine deux minutes, je vais vous laisser aller lire ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire avec la cassette. Et ben, y a des grosses choses, là. En bref, qu'est-ce qui est de vraiment intéressant? Konami sortait Metal Gear sur la MSX2 au Japon le 7 juillet. Le 8, Nintendo annonçait le Game Boy Advance Latias Edition pour c'était une édition Pokémon, pour faire la promotion de Pokémon. Et voilà, donc allez voir l'article sur le unechance.com pour tous les détails. J'ai posté plusieurs gadgets dont j'aurai pas le temps de parler. Entre autres, un genre de tu sais, les couteaux suisses. Hein? Ouais. Bon, mais à la place d'être un couteau suisse, ici, c'est pour votre bureau. Donc, il y a une agrafeuse. Des affaires comme ça. Ça ressemble vraiment à un couteau suisse en plus. C'est super beau, c'est tout rouge avec la petite croix dessus. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça se vend pour 100$. Le Wanger Swiss Business Tool. Allez voir l'article pour tous les détails. Il y a aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Le Dino Quick Pick pour les gens qui ont de la misère à se rappeler où sont leurs clés ou qui ont de la misère à transporter leurs clés. C'est juste un outil pour ouvrir des portes. Ils vendent ça pour vrai. Ça coûte 20$ et c'est un pic. Tu sais, un pic pour ouvrir pour une serrure. Pour les voleurs. Hein. Illégal, c'est ça, c'est pour les voleurs. Donc c'est cool. Oh, je trouve ça vraiment génial. C'est toujours un petit gadget plus blague. C'est plus pour faire parler les gens que d'autres choses. Ne vous en servez pas vraiment. Tiens, Lincoln a fait un prototype pour une voiture avec des portes qui s'ouvrent vers le bas. Donc vous avez une vidéo pour voir si vous voulez. La porte s'ouvre un petit peu comme sur des chenilles et descend en dessous de la voiture. Moi, je trouvais ça vraiment cool. Mais toi, apparemment, tu trouves pas ça si génial que ça. Ben, l'hiver, là. Ça doit pas être fantastique, là. Apparemment, exactement. Pour l'instant, tiens, elle est unique, c'est un prototype, mais c'est en vente sur eBay pour 20 000$. 20 000$ sur eBay? Oui, allez voir. Une ça. Une porte coulissante qui rentre en dessous de l'auto. Des deux côtés, je pense. Des deux côtés? Mais je suis pas sûr. 20 000$. Je suis vraiment pas sûr. En tout cas, on en veut une. Moi, j'en veux deux. rapidement, il nous reste à peine 4 minutes encore. J'ai posté une vidéo d'un jeu qui m'intéresse vraiment beaucoup. Ça s'appelle The Blob. C'est un jeu un peu à la Beautiful Katamari ou Katamari Damacy, où tu es une petite bête, une petite bulle, et tu dois ramasser des objets pour après ça sautiller et colorer des buildings en couleurs. Donc c'est un jeu qui m'intéresse vraiment, ça s'appelle The Blob. C'est par THQ, ça va être sur la Nintendo Wii, ça va être génial, j'ai vraiment hâte de voir ça. J'ai posté une vidéo qu'une de mes amies m'a envoyée. En fait, c'est une de mes amies qui l'a fait. Ça s'appelle Mario Bros avec 2S et Luigi. Donc, ça s'appelle Mario Bros et Luigi, le film. Très bien monté avec des acteurs de talent. Je vais vous laisser aller voir ça parce qu'évidemment, on a plus de temps et on est à la radio, mais ça s'appelle Mario Bros et Luigi. Il y a un documentaire sur Zelda que j'ai posté. Une publicité de 1994 qui montrait le futur. De quoi aurait l'air le futur? Mais c'était en 1994, c'est vraiment bien. Et un site qui s'appelle le YouTube Doubler pour voir deux vidéos sur YouTube en même temps. Ça a l'air con, mais c'est apparemment très divertissant. Mais Malheureusement, c'est la fin de la collection pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci François-Olivier. C'est moi qui te remercie, Mathieu, en espérant, dans le fond, revenir en force peut-être la semaine prochaine. J'espère que tu vas nous critiquer un jeu bientôt. J'aimerais ça que tu nous amènes un jeu à critiquer. Okay. C'est fun. OK. Je vais aller en louer un, là, ou au play 2, mettons. Au play 2? OK, j'aime ça. Prends un jeu rétro, ça va faire hot. C'est rétro. Fait. Ou sinon, une nouveauté. OK. D'accord. Moi, je vais t'attendre avec ça dans les prochaines semaines, d'accord? Parfait. D'accord. Donc, merci à vous d'avoir écouté. Moi, je vous retrouve à La Chance au coureur, l'émission des découvertes musicales. Ça, c'est le vendredi matin à 10h et les samedis et mardis à 14h. Je vous retrouve aussi au Palmarès C'est fou les vendredis soirs à 17h, en rediffusion les jeudis à 14h. C'est ce qui nous suit si vous écoutez le jeudi, parce qu'on est en direct le jeudi de midi à 14h. Et en rediffusion les samedis et mardis aussi de midi à 14h. Et si vous écoutez là, eh bien, c'est La Chance au coureur qui nous suit. Est-ce que c'est clair? Je crois que c'est clair. C'est très clair. Allez voir le cfou.ca pour toutes les informations de programmation et allez voir le unechance.com pour le MP3 de l'émission et pour aller voir tous les liens que j'ai mentionnés cette semaine de la part de François-Olivier Marchand, de tous les gens qui m'ont fait fausse route pendant les dernières années. Et de même, Mathieu Plante, faites attention à vos genoux. Bonne journée et bonne chance!